Vous croyez que les gens, ils sont pas épuisés de se mobiliser tous les samedis? Ils le font parce qu'ils n'en peuvent plus. Il y a trop de misère dans notre pays. Aujourd'hui, notre pays, qui est la 5e ou 6e puissance économique du monde, compte 9 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec moins de 1 000 euros par mois. Il y a 140 000 SDF. Boulot, c'est comme ça qu'il s'appelle, un des porte-parole des Gilets jaunes en France. Il y a des gens qui font les poubelles aujourd'hui dans notre pays pour manger, ou des gens qui ne se nourrissent pas pendant 2 ou 3 jours. On en est là. Ils ne le font pas par plaisir. Donc la seule manière d'en sortir, c'est de résoudre cette crise politique. Moi, par exemple, j'ai participé à une émission qui était co-animée par Marlène Schiappa, secrétaire d'État, qui était là mandatée par le gouvernement. 7 propositions ont été plébiscitées par les spectateurs, parmi lesquelles le rétablissement de l'ISF, mais avec l'exonération à 100% pour les sommes qui s'investissent dans le capital des PME, le CICE réservé uniquement aux PME, les peines de plancher de prison pour les fraudeurs fiscaux, et la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Bon, moi je vous fais un pari. Le pouvoir exécutif imprimera ses propositions, il en fera des belles boulettes de papier et il les jettera à la poubelle. Voilà comment ça va se terminer parce que, jusqu'à son dernier souffle, il défendra les ultra-riches dans ce pays. Et pour le RIC, pourquoi ils s'en foutent à ce point-là? Eh bien, effectivement, c'est une question que vous posez parce que si nous sommes dans la rationalité, il n'y a aucune raison. Parce que même le FMI, qui n'est pas tout à fait l'institution la plus communiste internationalement, avait rendu un rapport il y a 2 ans en disant plus les riches sont riches, moins la croissance est forte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les riches, les très riches, ont accumulé tellement de richesses que, compte tenu de la valeur matérielle des biens de consommation, une fois qu'ils ont acheté 10 voitures de luxe, 5 villas, un yacht et un jet privé, que font-ils de leur argent, monsieur? Ils ne peuvent plus consommer. Ils vont donc l'investir dans la sphère financière. Et le problème, c'est que contrairement à ce que l'on nous explique à longueur de temps et d'antenne, la finance ne sert pas l'économie parce que 97% des transactions qui sont opérées se font sur la spéculation, sur le marché secondaire et non sur le marché primaire. Seul marché qui consiste en 2 opérations, soit une création d'entreprise, soit une augmentation de capital. Oui. Et ce sont ces 2 seules opérations qui permettent un financement des entreprises. Or, comme je vous le disais, 97% des transactions servent à la spéculation. Donc quand en fait vous donnez de l'argent et des aides fiscales à ces personnes, ça ne sert pas à l'économie réelle, ça sert à la spéculation. C'est-à-dire personne d'autre que les très riches. Micro ouvert. Blablabli, blablabla, quelques petits mots pour que vous compreniez, vous qui écoutez, et dans le monde entier évidemment, cette émission. En fait, c'est la 3e partie qu'on va entendre là maintenant tout de suite, c'est la 3e partie avec Anne-Emmanuel Bourgaud, Christine Petit, Raverbeek et Étienne Chouard. Alors, l'intitulé de ce grand rassemblement, c'était « Les Gilets jaunes, la démocratie et l'Europe ». Voilà, ça c'était l'idée de départ. Après, chacun intervenant se réapproprie ses thèmes un peu comme il a envie. C'est une chose que j'avais envie de dire. C'est la 3e partie. Cette 3e partie, c'est la parole au public. Le public peut enfin poser toutes ses questions. Et dans ce micro, ce qui est intéressant, c'est qu'un débat se met en place entre Anne-Emmanuel Bourgaud, qui est constitutionnaliste, qui défend la Constitution, mais avec de belles idées aussi. Il y a un débat, on va entendre Anne-Emmanuel Bourgaud avec Étienne Chouard, qui ils sont vraiment pas d'accord, et ils expliquent pourquoi ils sont pas d'accord. Mais je suis pas sûre qu'ils se comprennent bien complètement, mais enfin voilà, il y a quelque chose, il y a un débat là qui se met en place, qui est vraiment intéressant. Et je me dis, c'est pas que moi qui me le dis aussi, mais qu'un vrai débat, vous savez, avec des gens qui sont pas d'accord, qui disent pourquoi ils sont pas d'accord, qui argumentent, eh bien du coup, notre pensée est beaucoup plus claire, même si on reste sur ses positions, mais au moins, c'est super intéressant en fait. Je parle en parallèle, vous savez, des médias inintéressants qui font de l'émotionnel, enfin voilà, on n'apprend rien, quoi. Je trouve que c'est intéressant d'entendre vraiment des avis opposés. Et là, en l'occurrence, il y a, je le répète, Anne-Emmanuel et Étienne qui ne sont pas d'accord, ils expliquent pourquoi et rentrent dans un débat. Dommage, le public l'arrête, le public a envie de poser ses questions, les siennes, quoi. Alors que là, il y avait vraiment, je trouve, un débat de fond super intéressant. Rajoutez aussi que, à un moment donné, mon micro, il y a le fil qui lâche. Et c'est pour ça que quand Anne-Emmanuel Bourgaud parle, il y a un petit blanc. Enfin, c'est pas qu'il y a un blanc, mais on ne comprend plus très bien. C'est parce qu'il y a eu un problème technique. Bon. Alors, mesdames et messieurs, Nous allons procéder aux questions-réponses et donc j'espère que vous avez pu, après ces quatre prises de parole, vous forger une idée, avoir une question précise. Elle doit être courte, s'il vous plaît. Et je pense que les réponses devront l'être aussi, parce que voilà, on a envie de vous entendre tous. Et donc, je vous passerai la parole. Je vais vous repérer, lever la main. Et donc, j'ai déjà trois questions. Donc, Raouf, oui, je vais regarder par là, minute. Donc, Raouf, tu peux poser ta question. Quand on assiste à ce genre de débat, il y a un sentiment de frustration qui se fait. Avec lequel on sort chaque fois à la fin des réunions, etc. On est passé du stade du constat, regardez ces salauds, qu'est-ce qu'ils font, etc. Les 1% deviennent de plus en plus riches, etc. Et ça n'arrête pas de faire des critiques et des constats, et on râle sur Facebook, et on râle un peu partout, on râle dans les manifestations. Après, on est passé au stade des alternatives. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, voilà, on a des solutions, mais les alternatives, on a fait des bibliothèques entières d'alternatives. Des bouquins, il y a des centaines et des centaines de bouquins pour donner des solutions, mais rarement on ne pense à comment les appliquer. Quelle est la façon qu'on doit choisir pour obliger le gouvernement à appliquer, que ce soit le RIC, que ce soit la Constitution, le changement de la Constitution. Étienne, je suis d'accord avec ce que tu dis. La seule chose, c'est bien d'écrire. Mais quand elle est écrite, cette constitution, et que tout le monde s'est mis à l'écrire, elle a finalisé et qu'elle est finie, comment obliger tout le gouvernement à la mettre en place? Parce que d'ici à ce qu'elle soit finie, eux, ils vont te contrer. Ils vont contrer le peuple, ils vont faire tout. Ils vont organiser, même quand il y a des manifestations ou des blocages, comme le propose RAF, la contestation civile, ils vont créer même des attentats et des casseurs, ils vont payer des casseurs pour décrédibiliser le mouvement. Le problème, c'est comment y arriver. Quand on veut arrêter un train, il ne s'agit pas de crier « stop, le chauffeur est un fou » et mettre des cales pour essayer de dérailler le train. Il faut accéder au levier de commande. Et tant qu'on ne pensera pas à accéder au levier de commande, on sera, comme Emmanuel, un peu... et qui croit au Père Noël encore, et qui croit que parce qu'en 1917, on a dit ça, et qu'actuellement, c'est pas la même chose. Ils ont... Vous savez que le RIC, le rétancolique, c'est pour le RIC. Alors quand on envoie une commission pleine télé, dit que je suis pour le RIC, vous vous imaginez que, comme dit Christine, nous sommes dans un... Il n'y a pas de gouvernement, donc il n'y a aucune décision. Et la pétition que tu présentes ne se présentera qu'après les élections. Alors, il y a une chose, et je vais faire plaisir à Étienne. Ici, en Belgique, pour la première fois, c'est une première, plusieurs listes citoyennes qui se sont présentées aux élections communales et dernières se sont mis ensemble pour constituer le collectif citoyen. Et ça, il faut encourager ce mouvement, même s'il est diversifié, même si on peut le critiquer. Et comme tu l'as dit, ne nous querlons pas ensemble. Commençons d'abord à arriver au levier de commande, et après on peut discuter. C'est une question récurrente. Tout le monde la pose à chaque fois. Tout ça, c'est bien gentil, mais comment on fait? On va faire des ateliers, on va gribouiller... Et puis, pendant ce temps, ils continuent à détruire la sécurité sociale, à vendre les biens publics, à goinfrer leurs copains, à abandonner la souveraineté à des institutions supranationales. Bientôt, on sera comme les Grecs. Tout ça, c'est bien gentil, mais comment on fait pour tordre le bras au gouvernement et l'intérêt historique des ateliers constituants, d'un processus constituant populaire, c'est qu'il donne à tous les humains sur Terre une cause commune. Gauche, droite, centre, pas politisé, nous avons partout sur Terre une cause commune qui est d'instituer nous-mêmes notre propre puissance politique. La puissance politique qui va nous permettre enfin de défendre la justice sociale, ce qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas faire. C'est-à-dire que les meilleurs d'entre nous, tous les militants qui se bagarrent, ont plein d'idées pour améliorer le sort de l'humanité, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils sont impuissants politiquement. La cause commune de tous ces militants, la cause commune des humains sur Terre, et c'est très important, une cause commune, ça va nous permettre de nous polariser, de polariser nos volontés, et enfin de faire du nombre qui est une faiblesse tant que nous sommes dispersés dans nos priorités. Je répète, notre grand nombre est une faiblesse quand nous sommes dispersés dans nos priorités, mais ce grand nombre devient une force, et une force invincible, à mon avis, quand nous arrivons à polariser nos volontés et arrêter de nous disputer sur les conséquences de notre impuissance politique et qu'on s'unit sur la cause de notre impuissance pour la régler une fois pour toutes. Donc, de façon très concrète, pratico-pratique, je suggère que nous nous entraînions à instituer cette puissance pour que ce ne soit pas simplement une pétition de principe qui consiste à dire « je suis le meilleur au foot ». Ouais, mais t'es gentil, t'as même jamais joué, donc il faudrait quand même que tu t'entraînes un petit peu. Voilà, donc je pense que pour postuler, les citoyens sont capables d'écrire eux-mêmes leur constitution, il faut le prouver en l'écrivant, et ça va vous demander moins d'entraînement que celui d'un joueur de foot. Hein. Quelques dizaines d'heures d'entraînement et de discussion, vous allez voir, votre niveau monte à toute vitesse. La solution que je propose, c'est d'orienter nos volontés pour que nous voulions tous la même chose. Je ne dis pas du tout que nous allons devenir les mêmes, parce qu'il va continuer à avoir des gens de gauche et de droite, et après que nous ayons institué notre puissance, vous allez voir, on va recommencer, à se disputer, mais cette fois-ci avec des perspectives d'action et de changement. Mais comment ça va se passer de façon pratico-pratique si on fait comme ça? Eh bien, moi, ce que j'observe, c'est que dans tous les pays du monde, les tyrans ne tiennent que par le consentement des citoyens qui acceptent la soumission. Et c'est notre cas aujourd'hui, puisqu'on accepte d'être électeurs. C'est bien qu'on accepte d'être des enfants politiques, des gens qui renoncent à décider quoi que ce soit. Et puis, surtout, ça tient à la maîtrise de la police. Ce qui fait que Macron, vous avez vu comme il est bâti, ce qui fait qu'il est puissant et qu'il peut nous tirer dessus et nous éborgner, c'est parce qu'il a avec lui la police et l'armée. Or, la police et l'armée obéissent au droit. Alors, vous allez me dire, ils trichent, ils n'obéissent pas, parce que le droit n'est pas bien pensé, le droit n'est pas complètement bordé par les citoyens pour que les policiers, les militaires, mais les policiers notamment en ce moment, rendent des comptes comme il faut et soient responsables comme il faut devant nous. Mais là aussi, je peux vous dire, si vous faisiez des ateliers constitution, vous verriez que dans nos ateliers, on écrit très précisément la mise en cause de la responsabilité donc des policiers, des militaires, mais aussi des juges et des parlementaires et des ministres et gouvernements, enfin tous les banquiers et les journalistes, c'est-à-dire que tous ceux qui ont un pouvoir, quand c'est nous qui nous en occupons, ont des comptes à rendre et ont quelque chose à craindre. Mais donc, c'est vrai qu'il y a quelques pays dans le monde où la police est composée de monstres, littéralement, des gens qui sont capables d'anéantir leur population, littéralement, de les massacrer les uns après les autres, quel que soit leur nombre. Je ne pense pas du tout que ce soit, là je me trompe peut-être, mais je ne pense pas du tout que ce soit la même chose en France et en Belgique, ou en Suisse, enfin dans nos pays d'Europe. Je pense que même s'il y a quelques... Il ne faut pas que j'utilise un gros mot, mais quelques fous furieux qui sont capables de nous tirer dessus, là, comme ils le font avec les flashballs. Mais à mon avis, c'est très marginal, ça. Ce n'est pas du tout tous les policiers. Je ne sais pas quel est le cas en Belgique, mais en France, j'ai plein de sources convergentes qui me permettent de penser qu'il y a plein de gilets jaunes dans la police et dans l'armée. L'armée a été maltraitée par Macron, qui leur a humilié leur chef préféré dès qu'il est arrivé, comment il s'appelle, Villiers, là, un chef qui était honoré, qui était aimé de l'armée. Et Macron s'est fait lui-même mal aimé en maltraitant ce gars-là. Donc, en fait, ce que je veux dire surtout, c'est que l'armée et la police française sont légitimes, pas à nous tirer dessus, mais sont légitimes à nous empêcher tant que nous sommes 500 000 ou 1 million, ils sont légitimes à nous empêcher de renverser un gouvernement de 40 millions d'électeurs. C'est normal qu'on ne laisse pas une poignée d'excités tout bouleverser. La police et l'armée sont dans leur rôle quand ils nous empêchent. Pas en nous tirant dessus, mais ils sont légitimes à nous empêcher. Mais c'est parce que nous ne sommes pas assez nombreux. Ce que je suggère, c'est que non seulement nous fassions les ateliers constituants, mais comme le font les Gilets jaunes à Saint-Clair-du-Rhône. Saint-Clair-du-Rhône, c'est un petit village près de Lyon, près de Valence. Et dans ce petit village, chassé des ronds-points par la police, ces gens-là sont allés toquer à la porte. En ce moment, ils le font. Ils toquent à la porte des gens, des non-gilets jaunes, et ils vont leur parler du référendum d'initiative citoyenne. Vous allez me dire, ils se font jeter sans arrêt comme se font jeter les représentants de commerce. Mais pas du tout. Quand vous voyez entrer un représentant de commerce, vous le voyez venir comme gros comme une maison, et vous n'avez pas envie qu'on vienne vous vendre. Donc vous le jetez parce que vous n'avez pas envie de son message. Mais en France, et je pense que c'est pareil en Belgique, je ne connais pas la situation, mais en France, depuis 30 ans, 40 ans, à chaque fois qu'on fait un sondage sur le RIC, on a 80, 90% des gens qui disent « oui, c'est ça qu'on veut, oui, oui, on le veut ». Et donc, quand vous toquez à leur porte et dites « je voudrais vous parler du référendum d'initiative citoyenne », ils vous claquent pas la porte au nez. Il y a 80% des gens qui vous disent bah, « ok », et qui sont prêts à en parler. Et quand ils découvrent que les gilets jaunes ne sont pas les monstres assoiffés de sang, xénophobes, racistes, antisémites, que sais-je encore, qu'on leur décrit à la télé jour et matin, tous les jours, matin et soir, quand ils découvrent ça, quand on leur explique que les gilets jaunes ont fait du RIC une priorité et qu'on est en train d'apprendre à l'instituer et que ce que font les gars de Sinclair, c'est qu'ils ont organisé leur propre scrutin. Ils n'ont pas besoin des élus pour le faire. Et c'est ça qui est très profondément révolutionnaire. C'est que les gilets jaunes, ils sont en train d'apprendre, de découvrir qu'ils n'ont pas besoin des élus pour instituer leur puissance. On n'a pas besoin des élus pour organiser le RIC, pour organiser nos référendums. Donc ils le font, et ils vont dire aux autres, pour qu'on soit plus nombreux, parce que l'objectif, c'est qu'on ne soit pas un million, mais 4 ou 5 millions, vous avez toutes les rues de Paris qui sont pleines, ce n'est pas une grande avenue qui est pleine, vous avez toutes les avenues de Paris qui sont pleines, et là, je pense que, alors je me trompe peut-être, mais je suis sûr que j'ai raison là, hein, la police française et l'armée française ne tireront pas sur la population si Paris est noir de monde, voulant la même chose, c'est-à-dire instituer nous-mêmes la puissance politique qui nous manque par le référendum d'initiative citoyenne. Et si la police ne suit pas, si la police arrête de suivre le gouvernement, et si la police, voyant la masse de la population, c'est-à-dire le corps social qui est en train de changer, c'est-à-dire que le bien commun n'est plus représenté par une poignée d'oligarques à l'Assemblée nationale et dans les ministères qui sont des traîtres. Vous croyez que les policiers le voient pas, bien sûr que les policiers le voient et que les militaires le voient. Et simplement, ils sont légalistes, ils sont ultra-légalistes. Mais quand la manifestation de puissance d'un peuple dont les volontés se sont polarisées, je répète qu'il y a deux choses importantes, hein, il faut qu'on soit nombreux, mais à vouloir la même chose, hein, donc il faut qu'on discute pour savoir si le RIC, en toute matière, institué par nous-mêmes, c'est bien ça qui va tout changer, hein, donc il faut bien qu'on y réfléchisse. Mais si on tombe d'accord là-dessus, et que dans plusieurs pays en plus, ça se passe dans plusieurs pays, le moment où les policiers et les militaires lèvent les casques et mettent les crosses en l'air... Mais ce n'est pas une utopie du tout. C'est comme ça que ça se passe partout sur Terre. Les peuples gagnent à chaque fois que la police et l'armée se mettent avec eux. Eh bien, il faut préparer ça. Et pour l'instant, on n'est juste pas assez nombreux. Mais quand on va être assez nombreux, on va devenir légitime à demander un changement des formes de la représentation. Pour l'instant, les représentés ont abandonné l'idée d'écrire la représentation. Une constitution, c'est l'organisation de la représentation. Nous laissons écrire les règles de la représentation par les représentants. Folie que ça, sot que nous sommes. Mais nous sommes en train de prendre conscience de ça et de ne plus accepter de laisser les représentants écrire ces règles, d'affirmer que nous sommes les seuls, les représentés à écrire, mais les représentés en grand nombre. Mais nous sommes le corps social. Et à mon avis, ce que je prétends, c'est que quand un corps social veut quelque chose, qu'il faut qu'il soit nombreux à vouloir la même chose, mais quand un corps social veut quelque chose, il l'obtient, il n'a pas à le demander, il l'institue. Donc ça se fera de façon pacifique parce qu'on sera nombreux et parce qu'on n'aura pas à se battre contre la police et l'armée qui servent l'intérêt général et qui ont ainsi une manifestation claire de l'intérêt général. C'est politique le mouvement, c'est pas brutal, c'est pas une violence. J'ai oublié de vous parler d'un micro là, celui-là. Je viens de recevoir ce bouquin qui est magnifique, Juan Branco. Il faut regarder les conférences de ce gars-là, mais c'est lumineux. C'est un jeune homme là qui a une puissance de formulation de la résistance à l'oppression, de la résistance à l'oligarchie et de la du sens du mouvement des Gilets jaunes. C'est absolument marquant. Puis là, il y a une analyse de la Macronie et de la capture du pouvoir par une bande de gredins. Ce sont des fripouilles. Ce sont des canailles. C'est vraiment une. Ce sont des bandits et qui volent le bien public. Qui se le distribuent entre eux, c'est-à-dire qu'ils accèdent au pouvoir, ensuite ils se passent les trucs, ils donnent les bijoux de famille, nos biens, les biens publics, ils se les donnent. Mais le procès est exemplaire, c'est au vitriol ce truc. Hein. Si vous n'arrivez pas à lire, regardez les conférences, Juan Branco, ça vaut de l'or. Et il y a... Il y a un deuxième truc dont je voulais vous parler absolument, qui est très important... Excusez-moi, je prends une place folle, pardon. Mais il s'est passé un truc essentiel qui a commencé la semaine dernière. Les riches ont acheté les médias. En France, tous les médias appartiennent à des gens très riches. Ce qui fait qu'il n'y a pas de place pour le peuple dans les médias. Les seuls moments où vous voyez apparaître le peuple, c'est chez Hanouna, sous forme de... où on les ridiculise, on fait un tout petit temps de parole, on fait deux blagues avant, deux blagues après, tout ça est pas sérieux. Et on n'arrive pas à avoir les débats que nous avons là, nous n'arrivons pas à avoir des débats sérieux avec du temps sur des grands médias. Il se trouve qu'il y a une petite radio, enfin une petite radio mainstream, donc une radio du paysage médiatique français, qui s'appelle Sud Radio, dont le patron, alors c'est pas le directeur d'antenne, c'est pas le président directeur général, c'est le président. Donc c'est le top, normalement c'est un oligarque lui. Eh bien, lui, il est avec les Gilets jaunes depuis le début. Il est en train de rallier la cause du peuple. Ce gars-là est formidable. C'est un type épatant. Il se passe un truc étonnant. Et après un débat, j'ai fait d'abord un échange dans sa radio, donc il a très bien marché. Et puis ensuite, j'ai fait un débat avec Raphaël Antoven, qui était exemplaire. Ce sera mieux encore la prochaine fois, mais c'était déjà tout à fait étonnant. Et en voyant ça, il a dit, il faut donner la parole aux Gilets jaunes et à Chouard. Et il a dit, je vais lui donner un temps de parole. Je vais donner une chronique toutes les semaines sur Sud Radio. Mais vous n'imaginez pas la violence de l'oligarchie qui est venue lui dire, mais comment vous donnez la parole à un fasciste? Vous allez devenir fasciste. Et alors, mais il y a une pression terrible, il a fallu qu'il résiste. Et il résiste, ce gars-là résiste. Et ça a commencé la semaine dernière, ça s'appelle Jeudi Chouard. C'est ça, c'est de 19h et c'est 2h, 2h à 21h. D'abord, c'est sous forme de débat avec des personnes différentes. Et puis ensuite, c'est la moitié de l'heure, je fais ce que je veux, je peux inviter les gens que je veux, je peux traiter de ce que je veux, je peux parler de constitution, je peux parler de processus constituant, je peux faire des ateliers constituants, je peux faire venir des spécialistes, je peux faire venir Adé Manuel pour qu'on discute sur les points sur lesquels on n'est pas d'accord, mais ça va être la mise en scène des conflits, il n'y a rien de plus pédagogique pour faire monter le niveau. Nous n'avons plus de débat politique dans les médias français. On n'a plus que de la télé-réalité, des émissions à la con qui nous prennent pour des abrutis où ça zappe toutes les 7 secondes. Moi, je regarde la télé. Quand je regarde la télé, c'est vexant. J'ai l'impression d'être pris pour un imbécile. Ça change d'image toutes les 2-3 secondes. On a l'impression qu'ils nous traitent comme si nous n'avions pas plus d'attention qu'une mouche. C'est quand même incroyable. Et ce que fait Didier Maistre, c'est qu'il nous donne une tribune sur laquelle on va pouvoir... construire une préparation d'une alternative démocratique digne de ce nom. Donc ça, je voulais vous en parler. Ça s'appelle Jeudi Choix et l'heure des citoyens constituants. Jeudi Choix, l'heure des citoyens constituants. Je vous donne rendez-vous. Par rapport à cette question-là, bon, écoutez, moi, je n'ai pas l'impression de croire au Père Noël. Et même, en fait, c'est curieux, ouais, c'est rigolo, parce que moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus concret. Oui, on va demander le RIP, peu importe, et tellement nombreux que ça va l'instituer. C'est combien ? Il faut être combien ? Parce que moi, je pense que, quand même, la question de la majorité, de la minorité... Alors de nouveau, je vous dis, moi j'adore, parce que ma grande phrase, c'est on est toujours le luxembourgeois de quelqu'un. Donc nous, vous savez, les Belges, on est toujours un peu complexés par rapport aux Français, mais les Luxembourgeois, ils sont un peu compliqués par nous, et complexés vis-à-vis de nous, et on est les Liechtensteinois, je suppose qu'ils sont un peu les petits des Luxembourgeois, Donc vous voyez, on est toujours le luxembourgeois de quelqu'un. Et ce que j'adore dans ce débat, un peu comme à l'atelier constitutionnel, notamment avec vous, monsieur, là derrière, je me rappelle aussi, je me retrouve, alors là, mais ça fait un bien fou, peut-être, même d'être là, la conservatrice de service. Moi je suis juriste et constitutionnaliste, donc vous imaginez un peu quand, avec ce que je raconte. Mais donc, ma question quand même,

Quand des représentants se mettent en tête de nous remplacer dans ce processus, mais le processus constituant est totalement vicié. Vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est là que je dis qu'il y a un conflit d'intérêts. Ils sont en train d'écrire le texte qui va les faire naître. C'est tout à l'envers, à mon avis, sur le plan de la logique politique, une philosophie politique de base. Faut passer dans votre sujet, parce que je crois que c'est intéressant comme sujet, mais voilà, ça c'est un des points qui pourrait être tenu en assemblée, je crois, avec les citoyens. Et on peut peut-être passer aux questions suivantes. Merci. Je me permets de prendre un peu de vue. Merci évidemment pour le travail éminent accompli. Ma question va être très courte en réalité. Voilà, je vais en fait commencer par poser la question tout simplement à vous, à la salle. Est-ce que vous êtes nombreux à avoir entendu parler de la démocratie liquide? Oui. Levez peut-être la main pour qu'on ait une idée. Alors ceux qui n'en ont jamais entendu parler. Ah, ça donne une couleur, hein. Et ceux qui connaissent vraiment bien la démocratie liquide, qui se sont vraiment intéressés de plus près. On en a un, deux, trois avec moi. Alors ma question était pour Étienne, était de savoir pourquoi il n'avait pas parlé peut-être à certains moments de démocratie liquide plutôt que de RIC, parce que RIC, ça fait un peu RIC, viens ici, reviens. Enfin, c'est pas un nom très sexy, quoi. Et la démocratie liquide, pardon ? La démocratie liquide, donc, nous vient du Parti Pirate et a déjà fait son petit bout de chemin à l'Europe, ce qui est intéressant, parce que, bon, l'Europe, ben, c'est quand même aussi, c'est pas que la Belgique, ça concerne à ce moment-là l'Europe. Et donc, ils ont fait des propositions très concrètes et ils ont mis déjà des plateformes en ligne, des plateformes qui reposent sur des logiciels libres, ce qui n'est pas tout à fait con. La démocratie liquide, ça consiste à désigner loi par loi un représentant, mais sur un sujet, par exemple sur les lois, sur la médecine, je connais mon médecin, je le considère comme compétent, et le principe de la démocratie liquide me permet de déléguer, de donner toute ma voix à ce bonhomme-là pour toutes les lois sur la médecine, par exemple, c'est ça, hein ? Et de façon plus temporaire, révocable, transitoire, mais loi par loi. C'est-à-dire que ça permet de nuancer notre volonté de représentation en désignant librement nos représentants, en déléguant de façon plus fine et plus variée et plus fluctuante en fonction de l'actualité. Bon, c'est une idée. C'est le Parti Pirate qui défend la. C'est le Parti Pirate qui défend la démocratie liquide. Ouais. Ce que j'ai décrit aujourd'hui me paraît infiniment plus central, stratégique, urgent. La démocratie liquide, c'est tout à fait passionnant comme modalité de la représentation que nous aurons à discuter dans nos ateliers constituants. Mais si tu veux, c'est une des modalités, une fois que nous serons en train de mettre en place la démocratie que nous voulons. Mais ce dont j'ai parlé, c'est vraiment une mutation dans le cerveau des électeurs enfants qui deviennent des adultes constituants. C'est premier, quoi. Il faut faire ça avant de s'occuper des différentes modalités. La démocratie liquide, c'est une des modalités de la... J'étais voir sur Wikipédia ce matin, et ce qui peut être très rapidement mis en place, par exemple, c'est la délégation de vote. Sachant qu'il y a 60% d'abstention quasiment en France, peut-être que ce serait intéressant de passer par une délégation de vote qui serait que, bon, ben, je délègue mon vote par crypto-technologie, on va dire, à une personne qui pourrait en récolter 200 000, 300 000, 500 000 et qui, elle, irait voter. Évidemment, on resterait dans le système actuel. Mais ça rehausserait le débat. On reste dans le système actuel où j'abandonne toute ma souveraineté à quelqu'un qui va l'exercer à ma place. Ce qui est en train d'émerger, c'est une volonté de l'humanité d'enfin accéder à la souveraineté, c'est-à-dire le droit de décider. Alors c'est quand même autre chose que de déléguer, quoi. Ça va se passer par étapes. Hein, okay. Nous aurons besoin de déléguer, mais nous voulons écrire nous-mêmes. On peut passer à la prochaine question. Les humains, quand ils vont réfléchir à devenir constituants, je ne suis pas sûr qu'ils vont instituer une démocratie directe. À mon avis, ils ne vont pas le faire, parce que les gens n'ont pas envie d'écrire toutes les lois. Les gens veulent avoir des représentants, et ils sont légitimes. Nous sommes légitimes à choisir le mode de représentation que nous voulons. Mais ça va être très différent parce que c'est eux qui vont écrire les règles de la représentation. Et ça va tout changer, quoi. Vous allez avoir des représentants qui vont être vraiment sous contrôle. Aujourd'hui, on n'a pas de contrôle des représentants. Rien. On a juste le droit, après avoir testé la crapule A pendant 5 ans, on la vit, on a le droit de la virer et de prendre la crapule B. Et alors, on se prend 5 ans de la crapule B, mais on n'a pas le moyen de changer le personnel politique. On a une procédure, l'élection, qui fait du même chaque mandat, alors que le tirage au sort serait la procédure de la rotation des charges qui nous renouvellerait le personnel politique. Je veux dire, tout ça nous est totalement inaccessible. Nous n'avons aucun moyen. Les révisions de la Constitution nous sont complètement interdites. Ce texte-là nous maintient en prison parce que nous ne pouvons pas le changer. En plus, il a été écrit par des morts. Tous les gens qui ont écrit ça sont morts. Tous ceux qui l'ont voté sont morts. Les morts gouvernent les vivants. Enfin, moi, je suis légitime à contester ce texte de A à Z. Et vous aussi. Hein. Et je ne suis pas dangereux pour ça. Je réclame juste un débat, quoi. Je tiens pas du tout à prendre le pouvoir. Hein. Je veux pas du pouvoir. Je veux ne pas avoir. De la même façon que je veux pas de drogue, je veux pas prendre le pouvoir. Donc je suis pas plus dangereux que la parole d'émancipation. Voilà. Une prochaine question. Oui, c'est pas seulement une question. C'est une affirmation. Je porte un gilet jaune parce que je suis un citoyen en danger. Et c'est ce que le code de la route m'a appris. Quand je crève un pneu que je veux le remplacer, je dois mettre un gilet jaune. Ici, ce n'est pas un pneu qui est en train de crever, mais c'est toute ma vie qui est en train de crever. Je veux dire, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit mon emploi, que ce soit ma vie, que ce soit mon futur, je n'ai plus rien. Je n'ai absolument plus rien. Et alors, il y a un épisode que j'aime beaucoup dans la Révolution française, c'est le serment du jeu de paume. Et j'ai imaginé, ça m'est venu comme ça tout à l'heure, mais en fait, j'ai envie de jurer que je ne donne plus un sou à l'État. Je ne paye plus mes contraventions. Je ne paye plus rien à l'État, je ne paye plus mes impôts tant qu'un audit citoyen de la dette n'a pas été effectué, tant que le référendum d'initiative citoyenne n'est pas instauré et tant que la démocratie comme module d'éducation permanente n'est pas développée dans tous les quartiers. Voilà, c'est ce que je veux dire. Il y en a partout. Excellent. C'est une question à Étienne Chouard, mais peut-être pas pour qu'il la réponde tout de suite, plutôt pour lui faire réfléchir. Parce qu'il est un homme très important aujourd'hui. Hein. Il est un homme qui a une voix, qui peut faire une transformation très importante de la société en France et dans les autres pays. Moi je suis espagnol. La question, c'est pourquoi il n'a pas proposé aux gilets jaunes les tirages au sort, plutôt que les RIC. J'explique un peu. Les gilets jaunes, ils n'ont pas voulu élire des représentants. Et je pense que c'est parce qu'ils l'ont compris, peut-être instinctivement, ils ont compris que la promesse qui nous était faite dans les catéchismes du peuple, là, le peuple élira des représentants honnêtes, hein, c'est écrit là, ces promesses ne tiennent pas. Hein. On le sait depuis le philosophe Alain, vous l'avez cité à plusieurs reprises, hein, la caractéristique d'un homme honnête est ne pas vouloir gouverner les autres, vouloir seulement se gouverner lui-même. Cela décide tout, autant dire les pires gouverneront. Donc voilà, on ne va pas faire ici le processus de l'élection, mais je pense que ce dont ont besoin les gilets jaunes, c'est justement le tirage au sort. Et ça nous permet, pour finir, de sortir de cette impasse dont on était tout à l'heure, dès qu'il faut une majorité pour changer le système. Hein. Donc c'est vrai, 1 million, ça ne suffirait pas, il faudrait 20 millions de Français qui soient pour. Si on ramène par contre les choses à niveau individuel, vous parliez tout à l'heure du contrat social. Le contrat social, c'est que moi, je renonce à ma liberté individuelle et je mets dans les mains de l'État le monopole de la violence pour contrôler les droits. Mais c'est un contrat, si vous voulez, individuel. C'est un renoncement qui doit être individuel. Voilà. Alors, cette représentation, Elle est individuelle et chacun doit être libre de choisir s'il se fait représenter par un élu ou par un tiré au sort. Donc, quand vous avez rencontré il y a quelques semaines sur RT France, un professeur d'université aussi, il vous a fait une remarque que vous n'avez pas saisie sur les champs, mais qui était très intéressant, au moins pour moi. Quand vous disiez les tirages au sort, quand vous disiez dans le système actuel, il y a beaucoup de gens qui sont laissés pour compte, qui ne sont pas représentés, il vous a dit, il vous a rétorqué, mais avec les tirages au sort, il y aurait aussi des gens qui ne seraient pas représentés. Et c'est vrai, il y a des gens qui ne veulent pas être tirés au sort. Et il y a des gens qui préfèrent l'élection. Et je peux le respecter, je peux le respecter. Pourquoi chacun ne peut, dans la proposition que la France insoumise, que vous avez évoquée tout à l'heure, avait fait pour la campagne présidentielle, quand il parlait de l'Assemblée constituante, et cette Assemblée serait nommée par élection ou par tirage au sort. C'est-à-dire, chacun, chaque citoyen peut choisir ou bien donner sa voix à un élu, ou bien se réserver sa portion de souveraineté pour être tiré au sort. C'est quoi votre prénom? Moi, je suis Arturo Iñiguez. Arturo, moi je m'appelle Arturo. Arturo. Oui. Grâce à vous, je perçois cette modalité de la France insoumise que j'avais trouvée comme une vraie régression. J'en perçois le côté positif grâce à la façon dont vous venez de le présenter. C'est vrai que ça a du sens de laisser chacun choisir de désigner ses représentants soit par élection, soit par tirage au sort. Ça a du sens, présenté comme vous le dites. Oui, ça m'intéresse beaucoup, ça. Ouais. Mais ceci dit... Il y a un projet en Belgique là-dessus, sur ce modèle-là. En fait, il y a même deux... Il y a d'abord des listes qui ont procédé par tirage au sort qui sont présentées au niveau communal. Il y en a une qui a eu plusieurs élus à Nouvelle-Anneuve qui s'appelle Caillou, où leur fonctionnement, donc avant d'attendre le changement du système, leur fonctionnement, c'est précisément ça, c'est de mettre à l'honneur le tirage au sort, et alors la démocratie participative, puisque c'est par assemblée générale qu'ils prennent leurs décisions. Ils tournent eux-mêmes par tirage au sort dans la représentation. Et alors, par ailleurs, il y a un groupe qui s'appelle La Voix est libre, qui travaille précisément là-dessus. C'est l'idée de, au niveau communal, on aurait le choix, soit de voter de manière précise, sur des listes comme on fait d'habitude, soit pour le tirage au sort, pour combiner les deux. Voilà, La Voix est libre. Pour répondre, le tirage au sort, c'était pour les têtes de liste et l'ordre de la représentation. Ça veut dire qu'il n'y a pas une liste désignée ou imposée. On tire au sort parmi les candidats et on les classe avec la tirette obligatoire pour la parité. Vous parlez de quel système, de La Voix est libre ou de... Les systèmes de l'autre... De Caillou, oui. De Caillou. C'est quoi ça, le Caillou, mais il y avait la ligne aussi dans les mots. Il y a plusieurs listes qui ont, sans changer le système, utilisé ni le tirage au sort, soit dans la désignation des candidats, soit dans la caissée des formules mixtes. Si vous avez des documents. Arturo, juste pour répondre à votre question sur le pourquoi est-ce que vous n'avez pas parlé de tirage au sort avec les gilets jaunes, en fait, on a... Oui, bien sûr, mais en plus, je l'ai déjà fait. On a déjà beaucoup parlé de ça. On n'a pas parlé que du RIC, hein, avec les gilets jaunes. On a aussi parlé des règles de la représentation. Parce qu'en fait, les gilets jaunes arrivent sur les ronds-points avec une détestation de la représentation. Ils ne veulent pas de représentants. Et puis, en fait, nécessité fait loi. Là, il commence à être des centaines de milliers. Ces gens-là ont, évidemment, besoin d'être représentés. Et comme ils se méfient, comme de la peste, de la représentation, ils rejettent tous les candidats, tous les aspirants à la représentation, parce qu'ils s'en méfient, donc ils se retrouvent sans représentants alors qu'ils en ont besoin. Et ce que je les invite à faire, et ce qu'on a commencé à faire, on a déjà fait des ateliers, on les a publiés, on les a discutés, on a amélioré, on fait des ateliers là-dessus, on fait des RIC et du RAC. Ce qu'on appelle le RAC, c'est les représentants assujettis aux citoyens, ou les mandataires, le MAC, mandataires assujettis aux citoyens. Parce que c'est à nous d'écrire les règles selon lesquelles nos mandataires vont nous être assujettis. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils réfléchissent dans leurs ateliers constituants, et on en a parlé ensemble, quoi, hein, c'est vraiment, ils réfléchissent à comment on les désigne. Donc sur le rond-point, on a besoin de représentants. On est, je sais pas, sur le péage du pont de l'Étoile à Aubagne, ils sont près de Marseille, ils sont 1200 ou 1300 sur le rond-point. Donc ils sont jamais tous en même temps, il y en a qui sont dehors. Et sur le péage, ils sont 200 ou 250. Et mais 200, 250, il y a un bruit du diable parce que tout le monde klaxonne en agitant les machins, les gilets jaunes, en s'arrêtant pour laisser de la popote. Enfin c'est festif, c'est incroyable, mais il y a un bruit du diable. Donc on n'arrive pas à réfléchir et donc il faut que les gens s'éloignent du péage pour se mettre à l'écart, pour réfléchir. Et donc, comment on désigne ceux qui vont s'en aller? comment on désigne les... Et puis combien ils sont? On en désigne 2, 3, 4, 5, 10, 20, combien on désigne de représentants? Il faut qu'ils décident rond-point par rond-point, péage par péage. Ils font ce que nous devrions faire. Combien de gens vont nous représenter? Comment on les désigne? Est-ce qu'on les tire au sort ou est-ce qu'on les élit? C'est à nous de décider. On les désigne pour combien de temps? On les désigne pour un jour, deux jours, tous les jours, ça change. Si c'est tiré au sort, ça peut être tous les jours, ça peut être toutes les semaines, ça peut être tous les mois. En fait, c'est un mouvement qui va si vite qu'ils font une modification plutôt tous les trois jours, tous les quatre jours. Enfin, ça va assez vite, la rotation. Et quel mandat on leur donne? Est-ce qu'ils vont nous préparer? Ils vont à l'écart, ils nous préparent une décision et ensuite ils reviennent sur le rond-point ou sur le péage et ils nous les font voter? Donc ça, ce n'est pas du tout le système actuel. Hein. Ou bien est-ce qu'ils vont décider, on leur fait confiance, ils vont décider, et puis ils décident à notre place. Ils s'appliquent le RIC. Alors, est-ce qu'ils s'appliquent le RIC? Alors, ils n'ont pas... Ils se présentent aux élections pour imposer ce RIC. Alors voilà, mais... Ils s'appliquent un RIC avec un référendum. Il est déjà en train de faire un atelier constituant sur le rond-point. Oui, exactement. Exactement. Donc en fait, ils ont réfléchi aussi aux règles du contrôle de leurs représentants du rond-point. Vous avez vu, je ne sais pas si vous avez entendu parler ici, il y a un gilet jaune qui est monté chez le ministre, chez Édouard Philippe, et pour représenter, il était désigné comme le représentant. Mais on lui avait dit, les gilets jaunes lui avaient dit, tu viens avec ton téléphone, et tu le mets en live Facebook, tu le poses sur un meuble, et nous on veut voir comment se passe la représentation. On veut te voir en train de négocier, et on veut voir ce qu'ils te font, ce qu'ils te disent. Et donc il a dit au Premier ministre, bon, moi je viens négocier, mais ma mission, mon mandat, c'est d'être filmé. Et le Premier ministre dit, mais il n'en est pas question, parce que lui, il n'a pas l'habitude d'être contrôlé. Hein. C'est super, super marrant cette histoire. Et le gilet jaune, il a tourné les talons. Et il est parti. Il a dit, tu veux pas que je... Non, je ne peux pas représenter si je ne suis pas surveillé. Et donc ensuite, les gilets jaunes dans leurs ateliers constituants sur la constitution du rond-point. Moi, je vis les ronds-points, je vis les péages comme des communes libres. Des communes libres en train de s'auto-instituer. L'auto-institution de la société, comme disait Castoriadis. Donc, ils ont mis dans leurs ateliers constituants, dans les règles de la représentation, dans le MAC, là, ils ont écrit un article qui dit... chaque représentant doit, pour nous représenter, se filmer pendant la période de la négociation. Et ensuite, ils écrivent la révocation, la révocabilité à tout moment, le droit de révoquer à tout moment leur représentant quand on n'est pas content, et la reddition des comptes à la fin. Et cette rédaction, donc il n'y a pas que le RIC, tu vois, il y a aussi le MAC, il y a deux sujets urgents pour les Gilets jaunes, et pour les citoyens, nous avons deux sujets constituants prioritaires qui sont écrire les règles de la représentation, les règles minimales. Quels représentants voulons-nous? Avec quel mandat? Pour quelle durée? Avec quel moyen de les surveiller? Quel moyen de les punir quand on n'est pas content? Donc on en a parlé. Hein. Et alors eux, ils ont choisi pour désigner leurs représentants une partie d'élection, une partie de tirage au sort. Ceux dont je parle la plupart du temps. C'est-à-dire eux, ce qu'ils ont décidé et ce qu'ils ont pratiqué. Hein, ils font tourner un chapeau parmi des centaines de personnes du péage. Et ceux qui... les gens mettent un nom dans le chapeau. Ils mettent soit le nom de quelqu'un d'autre, qui n'est pas forcément candidat, hein. C'est quelqu'un qu'ils aiment bien, qu'ils trouvent bien, donc c'est l'élection sans candidat, ou bien ils mettent leur nom, s'ils veulent, s'ils sont candidats, ils peuvent mettre leur nom, parce qu'ensuite, dans le chapeau des gens qui ont été désignés, comme soit candidat, soit voulu, on tire au sort. Et donc on en tire au sort trois tous les matins pour avoir, parce qu'en fait, ils n'en veulent jamais... Le tirage au sort, c'est jamais une personne à la fois, parce qu'il y a un risque de tomber sur quelqu'un qui n'est pas compétent, sur quelqu'un qui est malhonnête, on sait ça, et quand on tire au sort, on ne tire jamais au sort une personne, on en tire plusieurs pour que ce risque-là soit comme dilué et devienne insignifiant. Et donc, mais le tirage au sort, c'est la procédure de la rotation. En fait, c'est la seule procédure démocratique. Le tirage au sort, c'est une procédure démocratique, alors que l'élection, c'est une procédure aristocratique. L'élection, elle rompt l'égalité proclamée par la démocratie. Quand j'élis quelqu'un, j'élis le meilleur. Je le juge au-dessus des autres. Et mécaniquement, même s'il est gentil, parce qu'il est comme ça, désigné comme le meilleur, les chevilles vont lui gonfler. Il va se croire permis de tout décider à la place des autres. C'est comme... dans la, comme dans la matrice de l'élection, il y a quelque chose d'antidémocratique. Alors que dans le tirage au sort, vous tirez au sort quelqu'un, il se sent pas investi d'une puissance, d'une reconnaissance, d'un mérite particulier. Le gars qui est tiré au sort, la fille qui est tirée au sort, il sent qu'il reste le père des autres, l'égal des autres. Et il n'est pas porté à tout décider à la place des autres. Et donc il est porté à chercher à savoir quelle est la volonté des autres pour la représenter le mieux possible. Le tirage au sort, c'est la procédure la plus saine pour défendre l'intérêt général. En plus, il est incorruptible. Mais faut, dans le bouquin, je creuse ça, vous devriez creuser le tirage au sort. Si l'idée vous fait peur au premier abord, vous allez voir que quand on travaille, il n'y a pas mieux. Toutes vos objections trouvent leur réfutation. Il n'y a aucune objection rédhibitoire contre le tirage au sort. C'est une procédure remarquable. Alors que l'élection ne présente, de mon point de vue, que des vices du point de vue de l'intérêt général. Alors ça, je suis sûr que je vais avoir un échange d'une richesse inouïe avec Anne et Emmanuel, c'est certain. On peut passer à sur l'élection, le procès d'élection. Allez-y. Oui, alors voilà, ma question est la suivante. En fait, j'ai quand même l'impression que votre démarche est particulièrement ambitieuse, parce que c'est quand même très subversif. Et dans un... Oui, et je dirais que tout repose sur la transparence dans le domaine politique. Et je me demande si, d'un point de vue stratégique, il ne serait quand même pas préférable, dans un premier temps, d'essayer quand même de renforcer cette transparence, et notamment, par exemple, le fait que le vote se fait à bulletin secret. Quand on voit de quelle manière l'évolution à l'égard de la levée de l'immunité parlementaire, on voit incontestablement qu'il y a énormément de choses qui sont de plus en plus cachées. Et donc, je me demande dans quelle mesure on ne peut pas faire en sorte de vraiment renforcer cette transparence. Alors, oui. Vote à bulletin secret, non plus, c'est le micro. C'est un représentant. Vous parlez du vote des parlementaires et vous voudriez qu'il ne soit pas secret pour que les parlementaires assument mieux leurs responsabilités. Mais faites gaffe à ne pas confondre avec le. Mais il n'est pas secret le vote des parlementaires. Non. On sait ce que les parlementaires votent. Oui. Mais par contre, le secret du vote des citoyens. Il a fait l'objet de débats ardents, évidemment, au XIXe siècle, mais qui sont très importants et d'une actualité brûlante. Dans le débat que j'avais avec Antoven, il nous reprochait le vote à bulletin secret, comme si nous cachions pour voter, comme si ça devenait un acte tyrannique parce qu'on se cache. C'est complètement déconnant. Il y a des arguments très forts pour justifier le secret, l'isoloir, parce qu'en fait, c'est protéger les gens des pressions. Il y a des tas de gens. Hein. Et quand, garantir la transparence, vous empêchez les gens de s'isoler pour voter, c'est une bonne idée d'un certain côté, mais vous allez avoir des effets secondaires qui vont être probablement beaucoup plus graves parce que vous allez exposer toutes les personnes sous influence à la pression des influences et vous allez avoir la femme qui va devoir voter comme son mari lui dit ou l'employé qui va devoir voter comme son patron lui dit. C'est pas ça que vous vouliez dire, voilà. Non. Précisez votre pensée, s'il vous plaît. Oui, alors voilà. Donc, je ne vous cache pas que c'était mi-février, j'étais confronté en fait à une décision qui avait été prise au Parlement européen. Et en fait, ça concernait la transparence à l'égard des relations entre les députés européens et les lobbies. Oui, tout à fait. Mais c'est un autre... Je parle de la procédure ici. Et en fait, la procédure était que, en fait, cette transparence devait être votée à bulletin secret à l'intérieur de l'Union européenne. Et donc, c'est pour vous dire à quel point, dans toute une série de domaines, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Dans le cadre, par exemple, de la commission de contrôle des dépenses électorales, eh bien, on peut se rendre compte que l'entièreté des parlementaires qui sont concernés par cette question ont la répartition qui respecte le niveau de financement des partis politiques Et comme par hasard, tout ça se fait de manière totalement à huis clos. C'est parce que c'est eux qui décident. Absolument, mais c'est bien la... Ils ne peuvent pas, mais est-ce que vous ne trouvez pas que ce n'est pas aux élus d'écrire ces règles-là? Parce que vous voyez bien que quand ils écrivent ces règles, ils se protègent de tout vrai contrôle, en fait. C'est pas aux élus d'écrire d'abord leurs conditions de retraite, de chômage, de salaire, d'indemnité de toutes sortes, mais c'est pas non plus à eux d'écrire les règles de contrôle des commissions, des campagnes électorales, savoir si c'est... Non, on a la démonstration sans arrêt qu'ils sont incapables d'écrire, mais comme tout pouvoir, c'est pas au pouvoir de fixer leurs propres limites, non? En fait, je peux vous interrompre parce qu'en fait on va devoir sortir de la salle. Parce que la salle va fermer à 18h. Ce que je vous propose, c'est qu'on se prépare à sortir parce que malheureusement, il faut qu'on sorte. N'hésitez pas à dehors. Le sommet européen des gilets jaunes. Voilà, si ça vous intéresse.